passe partout, par tous les trous. T'as intérêt d'emballer tout alors. Je n'ai pas sûr du tout de pas tomber sur un fou du caoutchouc à ton bureau. C'est absurde, absurde en tout de croire qu'une fois suffit pour tout alors. À chaque rapport, je veux ton rapport. Et toi, tu te marres, tu te crois plus fort. Tu n'es qu'un as si tu veux un blaze alors. Donne une capote à ton pote. Cet homme-là, il est trop beau. Oh là là, mais son bonnet au minet. C'est pas tout, c'est pas un gars. On a pour tous les goûts, fraises, coco, poire. On vous le dit, mangez les fruits. Le plastique, c'est du pétrole. On n'aura jamais le monopole, alors saute dessus avant que t'en aies plus. Tu vois, t'es pas stupide, t'es pas conne. Je te souhaite que ces mots résonnent alors. Donne un condom à ton homme.